ivre et que mon père aurait dû jouer aux bêtises. Dans ta bouche en pisse, tout en restant pisse. Apprenez à rapper avant de vous dire vrai M6. Il faut que je persiste, il faut que j'insiste. C'est moi le plus chambé, c'est ce que les mecs disent. Et je vois qu'on est hal, mais pas sur la liste. 16 ans, foiré donc placé, brouille les pistes. Yo, tu fuck qui, hein, tu fuck qui. C'est Godier qui te fuck à la façon funky. Mon équipe prend des risques, pèse dans le bise. Fume des spliffs et nique la police. Préparez la tease, Mati ma soif, c'est ça, t'as tout compris. Paye en liquide, c'est la folie. On est ta phobie, c'est juste de la jalousie infantile, faut le dire. Un petit peu de style, dans ce move pourri, j'ai juste envie de crier. Yup, yup. Vise comment les gens bougent leur tête, vise comment ils crient. Yup, yup. Un petit peu de style, dans ce move pourri, j'ai juste envie de crier. Yup, yup. Vise comment les gens bougent leur tête, vise comment ils crient. Yup. Bah alors tu cries pas yop. Mais il faut crier yop yop. Et le refrain, t'as rien compris ou quoi? Écartez-vous de mon passage, je redéboule bourré boum bourré de poulet. Plus de rimes que vous, bande de clowns, m'en aken. Si je fais pas ça à l'américaine, après Adi c'est qui le plus opérationnel? C'est moi ma gueule, fermez tous vos gueules, fermez tous vos gueules. Bande d'amateurs, yo, je sais pas si t'as maté depuis haut les mains. Tout le monde fait des clips, y'avait que les bossmen qui avaient compris. Maintenant y'a le Helix, ça fait rarararara. Tu nous rattraperas pas et nous rattrapes le coche. Yo c'est hoche, comme une meuf en brouille. Comme un mec que tu connais pas et qui te saoule en boîte. Comme si te connaissais, putain ça casse les couilles. En fait on va en boîte parce que dehors ça caille. Dans les pays peinards, les gens sont pépères et chill. Nous on s'emmerde, on a trop de thunes alors on chin chin. Un petit peu de style, dans ce move pourri j'ai juste envie de crier. Yup, yup. Vise comment les gens bougent leur tête, vise comment ils crient. Yup, yup. Un petit peu de style, dans ce move pourri j'ai juste envie de crier. Yup, yup. Vise comment les gens bougent leur tête, vise comment ils crient. Yup, yup. J'ai tellement de phrases lettres, j'ai pas besoin de courir. Faciès crié, poche pleine de billets. Ces jours-ci c'est trop chaud, j'ai plus à qui me fier. J'suis en mode touriste, agent comme touriste. Lève le pouce si tu rencontres Boris. Allergique à la police, j'ai des plaques sur ma police. Dans le rap y'a les novices, les anciens, les choristes. Je veux 50-50, les flammes de Icky. Un beat bien funky, la thune de 50. Tellement bourrique, tellement new riche. Pour causer le fossé, on pose un classique. Enfin ils ou la jalouse du Jésus. Faut fadé non il l'eau fallait se dire. Il l'enlève, il prend goût à ta cesse. Faut ça mistam, si t'as les rappers. Il l'eau fallait qu'il ne vive, c'est de mieux. Si il blot de zèbre, me tirer leur pire. Et non, il m'en faut sa fara coffre. Dis que j'en ai si, coffre, j'en ai si, coffre, j'en ai si.